Trio pour piano et cordes numéro 2 de Schubert. Vespertille. Chapitre 1. Allegro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aude, jeune musicienne de bonne famille, virevolte triomphalement dans la rue à la rencontre de son destin. Aujourd'hui, elle s'apprête à répéter pour la première fois au sein du fameux trio Schlager, qui a gagné tant de prix d'interprétation. Par chance, leur violoniste a quitté l'ensemble le mois dernier, si bien que la place était vacante. Quel bonheur de pouvoir bientôt jouer avec deux excellents musiciens, avec le bel Antonio Bellardi surtout, cet incroyable pianiste au charme fou. Dans le couloir qui mène à la salle de répétition, Aude entend le son du piano. Non, le mot « son » n'est pas exact. Le bruit, le boucan du piano. Qui, parmi les compositeurs contemporains, a pu commettre une telle horreur dissonante? Et un artiste peut-il se compromettre ainsi en exécutant ce vacarme infâme? Tiens donc, la partition semble se complexifier encore. Un chant vient se mêler au piano, si tant est qu'on puisse parler de chant tant cela ressemble à des cris sauvages. Partagée entre la curiosité et l'inquiétude, la jeune violoniste ose entr'ouvrir la porte de la salle. Ce qu'elle aperçoit dépasse ses attentes. Ce n'est pas un humain qui joue ce sabbat de l'enfer, mais un monstre à quatre jambes. Quatre jambes dont deux en l'air. C'est décidément trop pour un seul pianiste, fût-il un génie de la musique contemporaine. Hébétée, la jeune femme met quelques secondes à comprendre que cette créature est, en fait, un couple en train de forniquer à même le piano. La situation est d'autant plus gênante qu'elle a reconnu en l'homme au pantalon baissé son futur partenaire de jeu, Antonio. La femme, une blonde décolorée, est assise directement sur le clavier. Ses cris de jouissance se mêlent au bruit de ses soubresauts sur le piano à mesure que le musicien va et vient en elle. Et voilà, dévoilé d'un coup de bite le mystère de cette musique contemporaine. Pour corser les choses, surgit derrière Aude le troisième membre du trio. Aria Schoen, la violoncelliste, une petite blonde à l'air austère, si timide que durant les concerts, elle semble se cacher derrière son imposant instrument, à croire qu'elle l'a choisi pour qu'il la dissimule au public. Devant le spectacle qui s'offre à elle, la musicienne lève un sourcil désapprobateur. Elle ne semble pas vraiment surprise pourtant, comme si les frasques du pianiste étaient habituelles. Celui-ci n'est pas désemparé au moment où il aperçoit enfin les deux femmes. D'un geste désinvolte, il remonte son pantalon et adresse un sourire à peine gêné à ses deux collègues. « Tout le monde s'est donné le mot pour arriver en avance à ce que je vois. Mais entrez les filles, faites comme chez vous. Alors c'est toi notre nouvelle violoniste. Je te présente Claire, ma tourneuse de page. » Et de désigner la blonde décolorée qui, dans un coin de la pièce, remet tranquillement son string, son sourire impertinent en dit long. Un mois plus tard, la désillusion est totale. Non seulement les répétitions du premier mouvement du trio numéro 2 de Schubert sont catastrophiques, mais Antonio en impute entièrement la faute aux deux musiciennes. Ainsi l'ont-elles entendu se plaindre à l'impresario. Artificiel, c'est complètement artificiel cette façon de jouer. Mais qu'est-ce qui t'a pris de me greffer de cruches pareilles qui me massacrent scolairement Schubert? Aria, je connaissais déjà ses limites, mais ta poire d'Aude, c'est encore pire. En y repensant, la poire en question a des envies de meurtre. Si les répétitions sont un tel fiasco, c'est parce que cet infâme macho, dire qu'elle fantasmait dessus, passe son temps à reluquer les fesses de sa tourneuse de page au lieu de se concentrer sur la partition, et la garce en profite. Elle se pavane au milieu du trio en arborant des décolletés plus vertigineux les uns que les autres et des jupes qui ne cachent rien. Cette efficacité indiscutable ne se retrouve hélas pas dans le travail. Les pages ne sont pas souvent tournées et on piétine. Un jour, Claire se pointe dans une robe si transparente qu'on la dirait nue. Après deux accords mal joués, Antonio congédie sans sommation ses deux collègues, prétextant la fièvre. Dès que nos musiciennes sortent de la pièce, le sempiternel concerto pour piano et gémissement reprend son cours. Assises dans le café d'à côté, les deux musiciennes en tremblent d'indignation. Les joues en feu, Aria est sur le point de laisser tomber. « Tu comprends maintenant pourquoi Nathalie s'est barrée ? C'est devenu impossible de jouer avec ce cutard. Franchement, moi aussi je vais me tirer. Artificiel notre jeu. Et ces seins refaits, ils ne sont pas artificiels peut-être à cette morue. Tu as vu comme elle l'aguiche? Comme elle se frotte contre lui chaque fois qu'elle doit tourner une page? Comme elle se penche pour lui montrer son cul? Tu as remarqué comme moi qu'en dessous elle n'avait rien l'autre jour? La pétasse! Surprise par le langage fleuri de la petite musicienne, habituellement si réservée, Aude tente de calmer le jeu. Plutôt que de casser le trio, il faudrait trouver un moyen de ramener Antonio à la raison et à la musique par la même occasion. Qu'il quitte son duo infernal avec Claire pour la survie du trio. Un ange passe. Ce silence-là, les deux musiciennes le connaissent trop bien. Dans une partition, il survient juste avant le drame. C'est Taria qui se lance. J'ai peut-être une idée, mais il va falloir prendre un petit risque. Aude n'en revient pas d'avoir accepté une telle folie. Arrivée le lendemain à la salle de répétition, bien à l'avance comme convenu, elle songe sérieusement à s'enfuir. Trop tard cependant. Le gros violoncelle franchit déjà la porte, et derrière lui le sourire tremblant d'Aria. Le malaise est palpable chez l'une comme chez l'autre, mais il faut aller jusqu'au bout. Aude ôte donc non seulement son manteau, mais aussi son écharpe, ses gants, son pull, sa jupe, son chemisier, son collant, son soutien-gorge et enfin, non sans appréhension, sa culotte en coton. Nue comme un ver, avec pour seule arme un petit violon qui ne cache rien, elle se souvient soudain qu'elle a été éduquée chez les sœurs bénédictines. Que fabrique-t-elle à poil dans une salle de musique réputée? Cette petite traîtresse Daria, elle, peut au moins se planquer derrière son violoncelle. Le chaud et froid s'accroît quand la porte s'ouvre sur Antonio. Morte de honte, Aude baisse les yeux, ses jambes interminables, ses gros seins, son cul charnu. C'est affreux, il voit tout. Quant à son sexe, il palpite furieusement, comme s'il n'avait rien compris au drame de la situation. Prise de vertige, entre vif désir et profond désarroi, Aude réprime un geste instinctif, non pour se cacher, mais pour se soulager vers ce sexe qui la brûle à présent. Chapitre 2 Andante con moto. Aria n'a jamais ressenti une aussi vive satisfaction. La charmante Aude remplit ses promesses. Ses courbes sont un vrai délice pour les yeux. Cela donnerait presque envie de sortir de derrière le violoncelle pour la tripoter. Quant à Antonio, il a l'air d'un idiot, et c'est ce qui compte. Depuis le temps qu'elle attendait le moment où elle pourrait lui couper le sifflet à ce bellâtre, elle est ravie. C'est donc avec un certain aplomb qu'elle prend la parole. « Tu vois, tu n'es pas le seul à te croire trop chez toi ici. » Antonio est abasourdi par la tournure que prennent les événements, s'il avait pu s'en douter. Cependant, fidèle à son caractère, il se ravise vite. « D'accord, les filles, j'ai compris. Je prends quelqu'un d'autre pour tourner les pages. D'ailleurs, j'avais déjà anticipé les choses. J'ai bien vu que Claire vous posait problème. Je les virai. En revanche, je compte m'y mettre très sérieusement maintenant. Très sérieusement, cela veut dire qu'on n'a pas de temps à perdre. » Silence. Il ajoute « Pas le temps, notamment, de se rhabiller. » Aria ouvre la bouche pour protester. Elle déteste le ton mielleux que prend Antonio, surtout si c'est pour donner des ordres. Mais la crainte du scandale lui ôte la parole. D'autant plus que derrière son violoncelle, elle est bien mieux lotie qu'Aude qui, elle, est offerte à tous les regards. Alors, autant obtempérer, mais pas sans avoir obtenu une petite compensation. C'est le trio à poil où tout le monde se rhabille. Alors Antonio, tu ravales ta morgue et tu te dessapes. Le bel Italien semble de plus en plus épaté par l'audace de celle qu'il considérait comme une petite souris sans intérêt. Sans barguigner, il ôte ses vêtements. Bien planqué derrière son violoncelle, Aria se repaît de sa victoire. Il ne fait plus autant l'insolent, cet homme qui ne peut plus cacher à quel point sa bite est dure. Mais il faut bien l'avouer, elle aussi est excitée, à tel point qu'elle est obligée de se tortiller sur sa chaise dont le contact froid ne fait qu'aggraver les choses. Quant à la pauvre Aude qui ne peut rien cacher, on perçoit aisément son trouble tant ses joues sont en feu, ses tétons durcis, sa chatte luisante. Mais au moins, elle n'est pas obligée, comme Aria, d'écarter les jambes pour jouer. Cette position suggestive ne permet pas de comprimer le désir et devient un véritable supplice pour la musicienne. Même cachée derrière le violoncelle, sa chatte est ouverte à tous les vents. La moindre brise la réveille et la torture. Elle a envie qu'on la lui lèche longtemps et qu'on la prenne enfin, que ce violoncelle soit avantageusement remplacé par le bel Antonio, par Aude, par les deux à la fois. Qu'Aude lui caresse les seins pendant qu'Antonio la baise. Il s'agit bien d'un trio, oui ou non? À propos de trio, il est temps de se mettre au travail, d'autant que c'est le grand jour d'Aria. On répète le fameux deuxième mouvement du trio de Schubert qui laisse la part belle au violoncelle. La sensibilité nécessaire pour jouer. Aria l'attire de la contemplation d'Aude. Si désirable quand elle joue nue comme une nymphe des temps anciens. Il suffirait de peu pour que ça dérape, d'un badinage peut-être, mais alors la magie serait rompue. Aria jette un regard à la dérobée en direction du piano. Antonio est en train de les reluquer, évidemment, mais étrangement intimidé, il détourne les yeux. Aujourd'hui, c'est la musique, poignante, douloureuse, trouble, qui s'impose à eux. Nus et fébriles, les trois musiciens trouvent enfin le mélange de légèreté et de gravité qui vous fait rencontrer Schubert. Grâce à la tension palpable et aux corps exposés, la magie a lieu. Comme si cette situation incongrue permettait enfin l'alchimie entre les trois musiciens. Antonio semble avoir trouvé la sobriété qui lui faisait défaut. Quant aux deux jeunes femmes, elles ne peuvent plus jouer de manière scolaire. Oh non. En rentrant chez elle, Aria rumine cependant de sombres pensées. En réalité, elle se sent frustrée, insatisfaite. L'Italien s'en est tiré à très bon compte finalement. Certes, elle lui a montré qu'elle n'était pas la petite créature introvertie que son masque social laissait imaginer, mais finalement, le pianiste a bien gagné sa journée aussi. Quant à Aude, Aria aurait voulu davantage de soutien de sa part. En guise d'apaisement, la jeune femme rejoue sa partie au violoncelle. Mais il y manque le romantisme noir, la splendeur de l'orage qu'ensemble ils ont su créer, taraudés qu'ils étaient par le désir. Il y manque le beau torse d'Antonio, sa queue splendide, les seins d'Aude au violon. À ce souvenir, Aria ôte de nouveau ses vêtements. Elle passe son archet entre ses propres seins, se titille le sexe avec. À nouveau très excitée, mais inquiète. Est-elle condamnée à jouer nue et la chatte en feu pour être une bonne musicienne? Chapitre 3. Cher Zando. Tout a changé depuis cette fameuse répétition. Aude, d'abord. Exit les chemisiers de jeunes filles sages et les jupes plissées, les collants en laine. Les jours passent et c'est la valse des robes fendues, des dentelles, des bustiers. Quant à Aria, c'est encore plus impressionnant. Elle a délaissé les gros pulls pour des ensembles en cuir à damner un sein, assorti à un maquillage de plus en plus prononcé. Petit sein bien rebondi, silhouette gracile, joli cul. Comment Antonio ne s'était-il pas rendu compte plus tôt des splendeurs cachées derrière le volumineux instrument? Mais la véritable métamorphose vient du pianiste lui-même. Tous les jours, il se fait beau, se parfume, se rase de près comme pour un premier rendez-vous. Peine perdue. Le macho se sent si intimidé qu'il n'ose rien tenter. Et pourtant, les deux musiciennes lui plaisent tant qu'il en a complètement oublié son ancienne tourneuse de page. Serais-je amoureux? Mais alors, de laquelle des deux? Fausse route. Ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est Schubert. C'est le trio qui rend fou. La façon dont les deux filles se cherchent, se frôlent, se font mille caresses. Antonio est douloureusement, délicieusement hors-jeu. Pas dupe, cependant. Si elle le met à l'écart, c'est pour mieux le ramener à elle. Enfin, c'est ce qu'il se dit pour se rassurer quand, le soir, il se branle chez lui, seul, et le cœur bien gros. En tout cas, les deux filles ne semblent plus être de simples collègues. La scène qu'il surprend un après-midi en arrivant plus tôt qu'à l'accoutumée lui montre qu'il ne s'est pas trompé. Assis sur le piano, Aria a les seins dénudés, sa jupe est relevée et ses jambes écartées. Elle caresse les cheveux d'Aude qui lui lèche le sexe. Celle-ci a pour tenue un ensemble rouge vif en dentelle qui met en valeur son cul rebondi. Elle est si occupée qu'elle n'a pas entendu Antonio entrer. Aria, en revanche, lui jette un regard triomphal avant de poursuivre. « Continue, c'est bien comme ça, cambre-toi en même temps, mets en avant ton joli cul. » À la vue qui s'offre à lui, la bite d'Antonio se rappelle immédiatement à son bon souvenir, mais le désir est mêlé à une colère profonde, celle de l'exclu. « Oh, les filles, c'est un trio, oui ou non ?» Cette fois, c'est Aude, les lèvres brillantes, qui répond d'une voix douce mais ferme. « Oh, je ne sais pas, j'ai peur que tu sois trop artificielle, trop scolaire pour nous. » Cependant, Aria se montre plus indulgente. « Allez, on te prend à l'essai. Mais il faudra nous satisfaire en nous obéissant au doigt et à l'œil. Pour commencer, tu vas te déshabiller et venir nous jouer un air de jazz pour changer. » Pendant qu'Aude continue de me lécher comme elle le fait si bien. Chapitre 4. Allegro moderato. Bientôt, les gémissements d'Aria accompagnent Gershwin. Pour mieux prendre son pied, la blonde s'étale de tout son long sur le piano, les jambes ballantes pendant qu'Aude continue de l'explorer. Jouer pendant que les deux filles se font du bien devient un véritable supplice, mais Antonio s'y est résigné, car un ordre est un ordre. Heureusement, Aude finit par lui faire signe. Cela fait trop longtemps que son sexe est à vif, qu'elle a envie d'être touchée par le pianiste, par ses mains qu'on vante tant dans les gazettes musicales. Les doigts experts lui caressent les seins, descendent jusqu'à son sexe, lui baissent le tanga en un mouvement léger, se glissent partout, donnent le là. Le rythme est maintenant si enlevé que son clitoris tressaille sous les pianotages du musicien. Le corps d'Aude ainsi instrumentalisé vibre. Cela monte du bas-ventre et submerge. Au loin, une femme gémit. C'est Aria, qui, restée seule sur le piano, rampe à présent à plat ventre jusqu'à eux. Offre sa bouche, ses seins, aux lèvres d'Aude. Celle-ci se rapproche en se plaçant à genoux sur le tabouret du piano. Antonio y voit un appel. Il saisit la croupe de la jeune femme, la caresse et s'enfonce dans la chatte bien mouillée, accueillante. La violoniste n'en peut plus de plaisir. Les coups répétés d'Antonio l'entraînent loin, au bord de la jouissance, si bien qu'elle finit par négliger Aria, qui s'impatiente, jalouse. Elle descend alors du piano et ordonne à Antonio de la prendre, elle aussi, à même le sol. Mais Aude ne veut pas être en reste. Prise d'une soudaine inspiration, elle se ressaisit de son violon et s'assoit sur le visage d'Aria pour se faire lécher. En même temps, elle entreprend de jouer le final du trio de Schubert pour accompagner les mouvements d'Antonio et leurs orgasmes. Aria et Antonio sont allongés, repus, épuisés, mais Aude n'en a pas eu assez. Quoi, la fête serait déjà terminée ? La violoniste caresse l'un et l'autre pour les ranimer. Sa main va et vient sur le sexe d'Antonio, sur celui d'Aria, en explore les moindres vibrations. « Exactement comme un archer sur un violon », se dit-elle, avec le même effet. Peu à peu, elle sent la bite d'Antonio enfler, durcir sous ses doigts, répondre présente. Mais c'est encore Aria, de nouveau bien réveillée, qui mène la danse. Elle fait signe à Aude de venir enfourcher le sexe d'Antonio. C'est elle qui se charge de l'introduire dans la chatte trempée, de guider les premiers mouvements dans les profondeurs. Elle s'assoit alors sur le torse du musicien pour mieux se faire tripoter le cul, puis sur son visage pour qu'il montre enfin qu'il sait se servir d'autre chose que de ses doigts et de sa bite. Par-dessus le pianiste, les deux musiciennes se tripotent, s'embrassent fougueusement, se lèchent. Aude remue de plus en plus lentement pour retarder la jouissance. Elle guide presque avec tendresse les mouvements d'Antonio, pendant que cette délurée d'Aria lui pince les tétons, joue avec les gros seins qu'elle admire tant. C'en est trop, la violoniste jouit longuement, comme si une vague la submergeait à répétition, l'envahissait à la manière d'une rengaine délicieusement infinie. Surexcitée, Aria l'est également. par la langue d'Antonio, qui s'avère être virtuose aussi à ce jeu-là, par les gros seins d'Aude qui suivent les mouvements saccadés, prolonge son orgasme par tous les gémissements. Mais surtout, elle s'émeut de son propre petit cul, parce qu'il écrase le visage du pianiste le plus réputé de leur génération, de cet Antonio avec qui elle joue depuis 4 ans, qui jusqu'à cette année se montrait si froid avec elle et qui maintenant la lèche avec avidité, le visage trempé de sa mouille de violoncelliste. L'excitation est à présent si forte qu'elle aimerait arrêter, s'accorder un silence, une pause, qu'on lui laisse reprendre ses esprits. Mais comme un métronome, la langue d'Antonio poursuit son rythme régulier, inflexible, et c'est l'orgasme qui la submerge à présent. Un orgasme aigu, strident, presque désagréable s'il n'était si délicieux. Absorbée par sa jouissance, elle attrape quand même la bouche d'Aude, ses seins. Embrasse le tout pour mélanger les saveurs et les notes. C'est à ce moment-là qu'Antonio se laisse partir à son tour, et les trois musiciens finissent par crier leur jouissance à l'unisson, dans une harmonie que le grand Schubert, qui aimait tant la gaudriole, n'aurait pas reniée. À la sortie du concert donné par le trio Schlegger, le public est unanime. On n'a jamais entendu une telle passion dans l'interprétation de Schubert. Une sensibilité si extrême dans le jeu, un tel orage. Un fameux critique parle même d'un jeu à fleur de peau, d'une mise à nu et d'une acmé confinant à l'orgasme auditif. Si au moins nos trois musiciens avaient le temps de lire les journaux. Mais ils sont trop occupés pour cela. Maintenant qu'ils ont fait leurs gammes ensemble, ils élargissent leur répertoire. On dit qu'ils s'attaquent à présent à la musique contemporaine.